Troisième partie. Madame Langlois va chez le coiffeur. Bonjour madame. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Oui, monsieur. Vous êtes madame? Madame Langlois. Mais vous n'avez pas de rendez-vous, madame. Pas de rendez-vous? Regardez! Maison Jules, rendez-vous à... Pardon, madame. Ici, c'est la maison Jean.